Bonjour messieurs, bienvenue à cette conférence point de presse hebdomadaire du club de football Rougéard en vue du match que posera les Gators Université de Rougéard cette fin de semaine. Comme à l'habitude, avant d'entamer le point de presse, je vais laisser nos trois entraîneurs présenter les trois joueurs bas du dernier match contre les Huskies de St. Mary's. C'est qui le joueur offensif, il n'est pas ici présentement, Dwayne John. C'est qui défend ce bon match? Pour le joueur défensif, Marc Fortier. Joueur défensif, semaine dernière, Kelly Hilaire, qui nous a aidé à contenir l'attaque au sol de St. Mary's. C'est sûr, quand vous regardez les stats, ça, ils ont peut-être 170 verges au sol, sauf que si on enlève les 85 verges du carrière, on a quand même connu une bonne performance au sol la semaine dernière. Ceci dit, c'était pas nécessairement facile, là, étant donné la qualité là, de l'attaque terrestre des Huskies. Okay? Je pense qu'on a abaissé leur moyenne au sol un petit peu la semaine dernière. Donc, pour ça, le joueur défensif, c'était Kelly Hilaire, comme j'ai mentionné. Ça a mentionné aussi que Kelly a eu un sac du corps et qu'il y a eu une plaquée pour perte aussi qui a mis St. Mary's hors de field goal range, donc pour moi c'était des gros jeux, donc une bonne prestation. Du côté des unités spéciales, je pense que c'est David un habitué, je pense que Papi me disait que sur 8, sur je crois 9 ou 8 bottées de dégagement, il a effectué 7 plaquées, qui est quand même extraordinaire, c'est un gars qui se démène énormément sur les unités spéciales, autant que sur les retours que sur les où on doit couvrir des bottées, il fait un job exceptionnel. Encore une fois, Guillaume Sénécal. J'aurais dû dire ma bijouterie, mais je l'ai dit la semaine passée, il y avait deux mondes, il est rendu à trois. Je devais attendre. Ouais. Si vous voulez acheter une montre Budweiser, je pense qu'il y a une coupe à vendre. Ils sont tous sur l'IV. Continue, faut te montrer ton inventaire. Alors, c'est quand même exceptionnel. Voir ce gars-là se démener là-dessus, c'est exceptionnel. Bon, on va passer. Oui, il y en a Jamal Lee, on va essayer de mettre le mettre à ses trousses. Fin de semaine, je pense que c'est. Je pense qu'au début de saison, il n'y a pas grand monde qui aurait cru que le match. Notre dernier match local serait pour la championnat de conférence. Je vous dirais, je mentirais pas. Je pense que comme staff, on était conscient que Bishop avait grandement amélioré avec beaucoup de joueurs. Un, du recrutement. Deux, beaucoup de joueurs transferts d'autres universités. Ils ont fait quand même un très bon travail. Évidemment, aussi, je pense que tout le monde reconnaissait le talent de Jamal Lee. Mais je pense qu'il est rendu. C'est vraiment exceptionnel le travail de ce porteur de ballon-là. Donc, on joue pour la. Et en disant, on joue pour la première pour le championnat de conférence contre, à mon avis, une très très bonne équipe de football sur tous les aspects. Je pense que les coachs vont vous en parler. Offensivement, je pense que si tu mets tous tes œufs dans le même panier pour jouer contre Jamal Lee, chose que tu dois faire quand même pas mal, mais ils sont capables de passer bien le ballon aussi. Marc va en parler. Défensivement, c'est un front. Je pense que pour la troisième semaine de suite, on va jouer dans un front. À mon avis, très, très physique, très dominant après Montréal, après St. Mary's, Bishops. Pour moi, c'est dans la même lignée. Donc, je pense que où on se démarque un petit peu plus, c'est peut-être sur les unités spéciales présentement. Mais on est conscient qu'on a une très, très grosse équipe à jouer, qui est bien coachée, très motivée, avec beaucoup de confiance. Donc, ça a tous les éléments d'un bon match de série en fin de semaine. Donc, c'est pas mal. Ça, je vais vous dire sur Bishop, si vous avez des questions autres que sur les blessés, je vais vous faire plaisir de vous répondre ça. Puis oui, on va habiller un batteur. Pas de questions? Oui, mais je pense que leur ils ont beaucoup de leurs joueurs, parce que leurs joueurs, vraiment leurs vétérans font un bon travail, notamment sur le front offensif, leur ligne offensive, leurs porteurs. Les receveurs, c'est une équipe, comme ils ont beaucoup joué de première année, mais les joueurs d'impact, c'est vraiment dans leur vétéran. Tu veux pas parler de blessés, officiellement, mais il y en a qui reviennent officiellement. On n'est pas encore ça, on n'a pas. Je ne suis pas sûr. On espère, mais peut-être Pierre-Luc. Pierre-Luc est éclairé. Il devrait être correct en général, mais le reste, c'est du cas par cas, du jour par jour. Puis... Il doit pas mal, en effet. En effet. Je vous dirais que Guillaume fait un bon travail. Par contre, pour nous, c'est d'autres positions qu'on a moins de profondeur qui étaient un peu plus difficiles. S'il n'y a pas de questions, on va commencer par Justin à l'offensive. Donc, Bishop, en fin de semaine, Glenn l'a dit un petit peu, une excellente défensive. Moi, depuis que je suis associé à Laval, c'est la meilleure défensive que Bishop a eue depuis... je pense que depuis que je suis ici, donc c'est un excellent, à la base, un excellent front défensif. Donc, le troisième en trois semaines, celui de Bishop est excellent. Accorde très peu de verges au sol. Leur ligne défensive, c'est des vétérans, c'est des gars de quatrième, cinquième année. Les trois secondaires sont très bons. Où est-ce qu'ils ont accordé un peu plus de verges cette année? C'est au niveau de l'attaque aérienne, donc ils concèdent beaucoup de verges par la passe, mais... ils sont premiers dans les interceptions et premiers dans les sacs du carrière. Donc, ils sont capables de mettre beaucoup de pression sur le carrière. Donc, c'est certain qu'avant de penser passer le ballon, il faut être capable de le protéger notre carrière. Donc, c'est sûr que ça va être une clé en fin de semaine. Donc, un excellent front défensif qu'on va devoir contrôler encore une fois. Donc, c'est ça. C'est là que ça va jouer. C'est sur comment qu'on va contrôler. Ça va être notre ligne à l'attaque contre leur ligne défensive. Je pense que c'est là la clé du match pour nous. Est-ce que vous avez des questions? Non, on va le demander enfin. On va passer à Marc Fortier. Pour ce qui est de l'attaque de Bishops, tout le monde, vous le savez, tout le monde, là, Jamal Lee, c'est certain que c'est probablement le meilleur joueur qu'on va affronter cette année. Toutes les fois, il y a 11 touchés cette année, donc à toutes les fois qu'il touche au ballon, c'est un potentiel de toucher. Une course de 100 verges cette saison contre Mount Allison. Je pense qu'il y a une moyenne de 9,1 verges par portée, donc ça veut dire que toutes les fois qu'il touche la balle, quasiment on se raligne en deuxième et un, puis dans ce temps-là, ça met la défensive dans une situation difficile. Donc c'est certain que ce gars-là va falloir le contrôler, puis le contenir surtout. Ceci dit, je pense qu'on va affronter aussi le meilleur groupe de receveurs qu'on a affronté cette saison. Ces joueurs-là, ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup de vitesse. Je vous dirais là, que ça paraît pas, mais c'est certain que ça paraît pas ou que ça ressort pas du côté statistique quand t'as un joueur comme Jamal Lee dans ton équipe. C'est certain que tu veux donner le ballon à ton porteur de ballon, sauf que leur plan B, il est quand même, ils sont quand même bien nantis là, en fait, de recevoir. Là, si jamais on réussit à contrôler la course, ben ils sont pas démunis en fait d'attaque, parce qu'ils peuvent très bien passer le ballon. Leur carrière, Jesse Andrews passe pour complète pour près de 60% de ses passes cette saison, donc il est quand même assez précis. Et puis le groupe de receveurs là, de Bishops, il est mené par Keith Goddings, numéro 89. En tout cas, c'est un vétéran, je pense que c'est un gars de 4 ans ou 5 ans. 4 ans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitesse. Puis si vous vous souvenez, l'année dernière, quand on est allé jouer là-bas, il nous a donné la difficulté. Donc, il va falloir, comme Glenn a un peu mentionné, là, on peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier puis dire, ben là, stop Jamal, puis on est en business. Parce que c'est certain qu'eux, ils pensent, OK? C'est certain qu'eux, à chaque semaine, ils savent là, que le plan de match de toutes les équipes, c'est d'arrêter leur porteur de ballon. Donc, c'est certain qu'à quelque part, ils s'attendent à ce que, justement, on mette beaucoup, beaucoup d'énergie à le stopper, puis délaisser un peu la passe, puis ils vont essayer de profiter de cette faiblesse-là, si vous voulez. Là. Donc, il va falloir être discipliné cette semaine. Question? Avez-vous encore en tête la deuxième demi 2006 l'an dernier, Béchard? Ben, c'est certain, là. C'est certain que c'est certain que c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement apprécié, là. Mais si tu regardes ça aussi, on avait quand même une avance pas pire, puis c'est en deuxième demi qu'on a fait jouer beaucoup, beaucoup de joueurs recrues, si tu veux, là, ou de joueurs qui jouent un petit peu moins. Là, donc, à ce niveau-là, là, c'est ça. Si tu regardes le deuxième match, quand ils sont venus jouer ici, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais c'est certain qu'ils ont très bien fait, puis on va leur donner le crédit là, à ce niveau-là. Je pense que c'est une... T'sais, ils ont le potentiel, justement, de nous chauffer. De nous chauffer. Puis, encore une fois, cette année, ils sont beaucoup plus expérimentés. Puis, on le vend dans les voiles. Là, c'est l'équipe de l'heure dans la conférence. Ils jouent pour la première place qui n'était pas arrivée dans leur cas là, depuis très, très, très longtemps. Très longtemps. 94. Ouais, je me rappelle un peu. Mais c'est ça qui fait la différence, Glenn, de cette année, cette équipe-là, de ce que tu as vu, que l'équipe est plus expérimentée, c'est ça qui fait leur différence? Moi, comme je parlais avec Leroy au début de saison, je pense que, puis j'en ai parlé une couple de semaines, c'est une équipe, je pense, qui est passée de le stade on veut gagner à croire qu'ils peuvent gagner tout le temps. Pour moi, c'est une grosse différence. Je pense que l'émergence de Jamal Lee, pour moi, c'est vraiment un gars qui, non seulement que tu es une bonne défensive, mais quand tu es un porteur de ballon qui peut constamment gagner des premiers jeux, ça soutient des drives, des poussées offensives. Pour moi, c'est une dimension. Il y a un très bon front défensif, ça c'est certain. Mais offensivement, tu contrôles le ballon avec le porteur de ballon. Tu contrôles ton passing game avec les feintes de jeu au sol. Qui si t'as pas de menace au sol, t'as pas de pour moi, ça explique comme un carrière qui a quand même 60% de pourcentage de complétion sur ses passes. Souvent, moi, à mon avis, je suis pas un carrière, mais j'ai tant cru que c'est plus facile de passer le ballon en feinte, en play action, où ce que tu fais des feintes au sol, les secondaires mordent, tout le monde joue le sol en premier, ça rouvre en arrière. Donc, si t'as pas la menace de jouer au sol, ça devient plus compliqué de passer le ballon. Que pour moi, il y a une offensive, Jamal Lee amène une menace au sol, mais je pense qu'il ouvre le cahier de jeu beaucoup plus à leur offensive. Puis ils ont des vétérans, ils ont des joueurs expérimentés qui ont je sais pas combien de joueurs de St. Mary's qui sont là, ils ont une couple de transferts de Concordia, ils ont du monde qui sont puis maintenant je pense que ça fait un an ou deux ça prend place, puis cette année c'est vraiment une année quand on dit tu gagnes avec des gars de 4-5 ans, eux ils ont beaucoup de joueurs de 4-5 ans, puis ils font un bon travail, puis c'est je pense que honnêtement, c'était à voir venir, mais je pense que c'était arrivé plus vite que peut-être que prévu. C'est une bonne équipe de football.